La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo vous invite dans la discothèque du compositeur Yann Maresch. En fait, le choix de ces disques a été assez difficile à faire, je dois avouer. Parce que c'est un petit peu comme l'exercice du disque ou du livre pour la plage déserte, à laquelle j'ai jamais réussi à répondre. Et j'ai réalisé une fois la liste faite que j'avais tout simplement fait une espèce d'éventail de choix qui représentait des périodes de ma vie très précises et à chaque fois des choses qui ont eu un impact sur ma propre pratique de la musique ou sur ma propre compréhension de la musique. Et donc c'est quelque chose, souvent c'est des coups de cœur, des choses très affectives que je n'ai pas entendues depuis 20 ans pour certaines, ou 30 ans même dans certains cas, mais en y réfléchissant, c'est ce qui m'est venu à l'idée. Donc évidemment, j'ai commencé par jouer du rock avant même de faire du jazz, et par exemple un disque comme Led Zeppelin 4 a été un des albums qui m'a beaucoup marqué. Je devais avoir 12-13 ans, j'avais commencé la guitare électrique à 10 ans. Donc j'étais dans cette période-là, mais globalement ces musiques-là m'ont accompagné dans toute mon adolescence, bien avant le classique que je connaissais par ailleurs, mais un petit peu moins. Je l'entendais à la maison, mon père est un pianiste amateur et nous avons beaucoup d'amis musiciens, ce qui fait que la musique était toujours présente et je connaissais, disons, le répertoire sans le pratiquer moi-même, puisque j'étais donc un jeune autodidacte guitariste de rock et donc j'avais pas de pratique du répertoire classique. Je le connaissais, mais de manière assez indirecte. On the Oui, cette musique, finalement, elle était la musique que je pratiquais et celle à laquelle j'étais le plus sensible dans mon adolescence. Il y avait évidemment d'autres groupes et d'autres musiques, je pense notamment aux Stones, même Pink Floyd, Genesis, des choses comme ça. Et j'étais donc un guitariste amateur, on va dire, avec une très très forte envie de jouer et d'être musicien déjà. Jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer John McLaughlin, qui est donc le grand guitariste de jazz fusion, et je l'ai connu à travers des amis et justement ma famille encore une fois, et des amis d'amis, enfin une sorte de relation improbable, et je me suis retrouvé un jour devant lui avec une guitare, et il m'a dit « vas-y, joue-moi quelque chose ». Et donc je commence à jouer, et j'improvise, et il me dit « non, mais il faut tout reprendre à zéro », etc. Donc depuis ce jour-là, et j'avais 13 ans, 14 ans je crois, oui, depuis ce jour-là, c'est devenu mon unique réel professeur, je dois dire, puisque si je parlerai probablement après de mes professeurs de composition, mais ce qu'il m'a appris est beaucoup plus profondément ancré en moi, puisqu'évidemment non seulement c'est l'instrument, le travail sur l'instrument, puisque j'étais son seul élève, donc pendant quelques années effectivement je le voyais régulièrement quand il était de passage ou suffisamment longtemps là pour qu'on puisse faire quelque chose, et en général c'était pas des cours de guitare structurés, hein, mais disons que j'apprenais énormément de choses avec lui, et comme il était lui-même très proche de musiciens classiques, c'est lui, un peu lui qui m'a fait aussi découvrir le répertoire classique, et donc mes premières analyses de Bartók, Stravinsky ont été faites à travers le prisme de sa pensée à lui, qui est une approche harmonique et une approche rythmique, quelque chose qui m'a marqué pour toujours. Thank you. Évidemment, il y a des musiques et des disques de cette époque-là qui m'ont plus marqué que d'autres. J'ai choisi cet extrait parce que c'est le premier disque de McLaughlin que j'avais découvert. Mais un des disques les plus fameux de cette époque-là, c'était le disque des trois guitares en concert à San Francisco avec Aldi Meola et Paco de Lucía. Et là-dedans, il y avait évidemment d'autres musiques, d'autres approches. C'était l'époque où il jouait beaucoup sur la guitare acoustique. Cornillon, donc il y avait toute cette pratique non rock, non jazz, on va dire, de la guitare plutôt, entre le flamenco peut-être et le jazz rock. Donc c'était dans cette période. Et cette pièce-là est juste une des pièces que je peux pointer de cette époque-là. Par exemple, le disque Belo Horizonte aussi a des choses magnifiques. En fait, suite à cette rencontre, après quelques années, lui-même m'a dit il faut partir de là où tu es, puisque je vivais à Monaco. Et mes perspectives musicales n'étaient pas très avancées, disons. J'étudiais un petit peu le piano à l'académie locale, mais je rencontrais très peu de musiciens. Et lui m'a dit, si tu veux vraiment être musicien, il faut partir. Évidemment, comme lui avait fait ce parcours-là, il m'a suggéré de partir aux États-Unis et de rentrer à la Berklee College of Music à Boston pour étudier évidemment le jazz, mais aussi la musique de manière plus sérieuse, puisqu'il y avait des lacunes que lui ne pouvait pas combler, par manque de temps d'ailleurs. Alors c'est assez juste une petite anecdote, c'est marrant parce que McLaughlin a été le professeur d'harmonie de Jimmy Page de Led Zeppelin quand ils avaient une vingtaine d'années en Angleterre. Donc c'est assez drôle parce que j'entendais des anecdotes sur mes premiers amours, justement, des choses comme ça de première main. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais c'est quelque chose qu'il n'a pas fait avec moi, en tout cas. Il m'a montré des choses, mais il y avait des lacunes à combler. Donc je me retrouve aux États-Unis quelques mois plus tard, d'ailleurs avec Arthur Ashe, puisque tout ça s'est fait aussi grâce à Jacques Higelin, avec qui j'avais eu la chance de jouer quelques soirées dans des clubs un été. Et on s'est retrouvés tous les deux à Boston, à l'âge de 16 ans, pour étudier sérieusement la musique, comme on nous disait. Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'effectivement, j'ai approfondi ma pratique de l'instrument, mais aussi théorique, avec mes premiers cours d'harmonie, disons, pas tout à fait classique, mais quand même de l'harmonie telle qu'on la pratique dans le jazz. Mais à la même époque, il se trouve que dans la même rue, il y a Boston Symphony Hall avec l'orchestre de Boston. Et il y avait un des musiciens élèves, un de mes amis, qui lui connaissait bien le répertoire classique puisqu'il avait été formé en piano classique. Il me dit, mais il faut absolument qu'on aille, tu sais, ce soir, il y a une pièce de Dutilleux. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Et voilà, je me retrouve donc, sans le savoir, finalement, avec l'un des meilleurs orchestres du monde, avec Seiji Ozawa à l'époque. Pour le coup, c'était Charles Dutoit qui était invité ce jour-là. Et donc, j'ai entendu les métaboles de Dutilleux, qui était peut-être l'une des premières pièces de musique contemporaine que j'entendais. Alors, évidemment, j'ai été très impressionné par la composition, mais aussi par le son et surtout par la sensation de liberté totale d'expression de la pensée musicale qui, en jazz, n'était pas ce que je percevais. En plus, en tant que guitariste de jazz, jouer tout seul, c'est quand même pas tout à fait simple. Donc, on est obligé de jouer avec d'autres. Puis finalement, on joue dans un système qui est lui aussi un petit peu stéréotypé. Donc, je me sentais déjà un peu à l'étroit dans cette pratique-là. Et l'écoute de cette musique m'a fait entrevoir finalement un univers. Et ça a commencé là, mon envie de composer. Alors, le Duty Metabol, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais il pourrait y être. Mais un petit peu plus tard, j'ai entendu le Symphonia de Berio. Et alors ça, pour le coup, ça m'a bien marqué. c'est la découverte de ces musiques s'est faite pendant cette période. Et il y a donc évidemment le Berlioz, du Didier, même du Stockhausen. Et évidemment, j'ai commencé à passer beaucoup de temps dans les bibliothèques musicales et à regarder des partitions, qui était une chose que je n'avais jamais fait. Et donc là, je découvre en effet qu'il y a quelque chose qui me manque fondamentalement, c'est une connaissance des langages et de l'écriture approfondie. Et donc à la même époque, je me prends de passion pour l'écriture musicale et je commence évidemment à travailler, mais alors pour le coup pas directement dans le style de Berlioz ou d'autres modèles de ce type-là, mais plutôt dans le style de Ravel. Parce qu'en fait, très rapidement, je me rends compte que entre ma pratique actuelle de la musique et celle que j'entends très contemporaine, il y a quelque chose qui me touche particulièrement, c'est par exemple la musique de Ravel, même plus que celle de Debussy à ce moment-là. Et donc l'étude approfondie des partitions de Ravel, de l'orchestration, de manière totalement autodidacte, sont mes premiers cours autodidacte de composition, si on peut dire. Donc avant de pratiquer une écriture plus prospective, disons, c'est la musique que j'étudie et que j'écoute quotidiennement, tout en pratiquant le jazz aussi de manière quotidienne. Le compositeur Yann Maresch présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Évidemment, c'est le choix de Stravinsky dans ces morceaux qu'on va entendre sont liés aussi à des amitiés personnelles. Je pense là au Sir Labeck, qui était très proche de John McLaughlin. Et c'est des gens qui m'ont fait découvrir énormément de musique. Et en fait, je réalise que mes choix sont bien des choix liés à de l'affectif. Tout ça, c'est un petit peu l'histoire de mes rencontres, l'histoire des gens qui m'ont fait découvrir et aimer des musiques que je ne connaissais pas. Alors, je ne suis pas sûr des raisons pour lesquelles j'aime ces musiques avec le recul maintenant, mais c'est des musiques que je réentends toujours avec la même fascination et la même tendresse. J'ai choisi le concerto pour deux pianos de Stravinsky parce que c'est une œuvre, alors justement, encore une fois, étrangement de la période néoclassique de Stravinsky. Le Stravinsky qui me fascine le plus est bien celui des trois ballets. De 1911 à 1915, le très tardif sous certains aspects aussi, la période néoclassique. Par contre, je l'écoute pas vraiment, mais cette œuvre-là m'a profondément marqué pour plusieurs aspects. Si j'y réfléchis un petit peu, l'énergie rythmique est absolument phénoménale. Et aussi le rapport au passé, le rapport à la forme et aux techniques d'écriture passées. C'est une forme de réinterprétation, finalement, à chaque fois, d'éléments qu'on ne jette pas. Un petit peu cette idée qui est partagée par Berlioz aussi, il me l'a dit lui-même, que finalement, on retransforme invariablement les choses qui fonctionnent dans la musique et dans l'histoire de la musique. Ce qui fait que finalement, le concept de table rase m'a toujours été un petit peu étranger. Tout simplement parce que ma pratique musicale n'a jamais été celle-là. Elle est accumulative et chronologique. C'est des choses qui se nourrissent les unes les autres, mais il n'y a jamais de rupture ou d'un choix définitif. Par exemple, j'écarte toute cette partie-là parce que je choisis celle-là. C'est une attitude que je n'ai jamais réussi à avoir en tant que compositeur, et ça affecte énormément ce que je fais, ce que j'écris d'ailleurs, puisque c'est ce qui fait que j'ai du mal à m'intégrer dans quelque école que ce soit, et d'autres. Même par exemple le choix de Ravel plutôt que de Debussy montre quelque chose. Je sais pertinemment en tant que compositeur que l'impact de Debussy sur la pensée de la forme est bien plus fort que Ravel, mais pourtant le classicisme de Ravel est avéré, mais je dois avouer que quand j'écoute les deux, je fonds littéralement avec du Ravel, alors qu'avec Debussy, j'ai un rapport plus cérébral, plus distant. C'est pas celui qui, moi, me touche le plus, finalement. Dans les musiques et choses qui m'ont nourri à cette époque-là, qui étaient en fait des périodes d'assimilation du répertoire de la musique classique occidentale. Alors c'était intéressant parce que c'est une musique que je n'ai finalement jamais pratiquée moi-même en tant qu'instrumentiste. Si j'avais été pianiste, pour le coup, j'aurais connu parfaitement le répertoire pianistique, les 32 sonates de Beethoven, etc. C'était pas mon cas, mon approche a toujours été une approche d'analyse, d'écoute et d'analyse, et je devais me nourrir comme je pouvais. Ma pratique instrumentale était juste différente. Et donc, la manière dont j'ai approché toute cette musique est tout de même une approche en partie émotive et en partie cérébrale, par l'analyse. J'ai choisi deux exemples de Rameau. Bon, j'aurais pu aussi prendre du Couperin pour le coup, mais dans ce Rameau, il y a quelques éléments qui font que c'est une musique qui m'a beaucoup impressionné. Alors tout d'abord, encore une fois, rythmiquement, je pense à la contredanse, et aussi harmoniquement, dans tous les cas de figure. Et c'est là où je réalise que, par exemple, je n'aurais pas pu prendre de chant grégorien ou même du Bach, que j'admire sous tellement d'aspects. C'est quand même des musiques qui me touchent moins parce qu'elles sont basées sur le contrepoint. Et je dois avouer là quelque chose qui a été une évidence. Aujourd'hui, je l'admets totalement, alors que j'ai toujours eu du mal à le dire et à le formuler. J'ai toujours approché la musique de manière harmonique. Je ne la comprends que comme ça. Alors je ne sais pas si ça vient de cette pratique finalement du jazz mais les choses sont d'abord verticales. Les choses horizontales, je les entends sous l'angle du vertical. C'est un peu compliqué parce que c'est pas toujours vrai, mais c'est une constante. Donc ce rapport à l'harmonie, c'est quelque chose qui est frappant. Et c'est pour ça que ce Rameau, je l'ai choisi pour ça, parce que les lignes existent bien, mais je les entends sous l'angle vertical, harmonique. Et il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est le timbre. Alors, pour le coup, le prélude à l'acte 3 des Boréades est une mélodie de timbre, ce qui est tout à fait extraordinaire. Mais le timbre est une des dimensions de la musique qui me fascine le plus. Donc l'harmonie d'un côté, le timbre de l'autre, ce qui nous amènera évidemment à la musique spectrale un petit peu plus loin. Voilà, j'étais toujours plus sensible à cette dimension musicale. Thank you. toutes ces années aux États-Unis ont été des années de découverte. Donc évidemment, beaucoup de concerts, beaucoup de disques, beaucoup de lectures de partitions. Je ne peux pas ne pas parler de Miles Davis à ce moment précis, parce que on est quand même peut-être quelques années plus tard par rapport à cette première formation à Boston, et je vivais alors à New York. J'ai fait toutes mes études d'écriture à la Juilliard School à partir de 87 jusqu'à 92, et ces années-là j'étudiais donc pour le coup sérieusement la composition maintenant, avec David Diamond, mon professeur, et aussi Milton Babbitt. Et par ailleurs, j'étais toujours évidemment en contact très proche avec McLaughlin, qui lui ne désespérait pas de faire de moi un guitariste. Alors pour le coup, c'était une période complexe, parce que j'étais complètement en immersion dans mes études, avec une envie folle d'écrire de la musique, ce que je faisais déjà. Et par ailleurs, une difficulté à lâcher le jazz ou à arrêter l'instrument. Je voyais bien que je ne pouvais pas faire les deux au même niveau. C'était juste pas, enfin, dans mes capacités. Et ça a été une période assez complexe. Et McLaughlin, pour le coup, connaissait très très bien Miles Davis, puisqu'il avait joué avec lui dans les années 60, et ils étaient très amis. Et donc, régulièrement, ce qu'il faisait, c'est qu'il m'organisait des auditions, en espérant qu'un de ses amis allait me prendre, et puis qu'après, comme ça, je ne pourrais plus faire marche arrière. Je me suis donc retrouvé à auditionner chez Miles, que j'ai connu et que j'ai rencontré plusieurs fois ces années-là. Donc, évidemment, ça n'a pas marché, sinon je ne serais peut-être pas là en train de vous parler. Mais ça n'a pas marché parce que, évidemment, Miles est décédé, quelques mois plus tard d'ailleurs. Là, on est déjà dans les années 90. Mais sa musique reste quelque chose de très important pour moi. Alors, j'ai choisi Blue and Green comme extrait de ce disque magnifique, Kind of Blue, qui est aussi une des musiques du jazz que j'aime le plus, une des périodes du jazz qui m'intéresse le plus. Pour plein de raisons. Et encore une fois, je ne sais pas si ce que j'en dirais aujourd'hui est les mêmes raisons pour lesquelles je les ai aimées à l'époque. Mais en tout cas, voilà, ces musiques sont très proches de moi encore aujourd'hui. Thank you. J'ai parlé du rapport au timbre et à l'harmonie. Et après mes études aux États-Unis, je suis rentré à Paris et je suis rentré au cursus d'informatique de l'IRCAM, où j'ai étudié avec Tristan Muraille et aussi Brian Ferneyhough. Bon, ça a été à ce moment-là, je connaissais un petit peu la musique spectrale, ou en tout cas des choses qui venaient de France, puisque aux États-Unis, c'était une période où c'était plutôt l'air était plutôt à John Corigliano et John Adams. On avait finalement assez peu de contact avec ce qui se passait en Europe, mais nous étions avec d'autres amis compositeurs comme Martin Matalon, par exemple. Toujours en contact avec ce qui se passait en France, et on recevait des enregistrements, on écoutait, mais on n'était pas immergé dans ces musiques-là, ni sans parler même des articles que ces compositeurs pouvaient écrire dans diverses revues, donc on n'était pas tellement en contact avec ça. Donc j'ai quand même connu ces musiques un petit peu avant d'arriver à Paris, mais ces études à l'IRCAM avec Tristan Muraille m'ont fait évidemment découvrir beaucoup plus profondément les concepts d'écriture qui étaient à l'œuvre dans ce qu'on a appelé la première école spectrale. Et j'ai choisi comme exemple partiel de Griset. Les espaces acoustiques, c'est une œuvre qui est d'une force absolument incroyable. Et elle, évidemment, c'est un grand écart quand on passe de Kind of Blue de Miles Davis à cette œuvre-là. C'est un grand écart, mais pour moi, c'est un tout petit écart en réalité. Il n'y a aucune barrière entre ces musiques. Elles cohabitent dans une espèce de nuage mental. C'est comme porter son attention sur divers objets d'une pièce. Tous ces objets font partie de votre univers, vous êtes chez vous. Alors, est-ce qu'ils sont cohérents esthétiquement pour quelqu'un de l'extérieur? On ne sait pas trop, mais c'est là où on se sent bien, on est chez soi. Et mon chez-moi est fait de tous ces éléments-là. Je pense que ce qui les relie, c'est vraiment la pensée de l'harmonie, et le timbre, la qualité du son, l'attention particulière portée à la qualité du son, à la production du son et au contrôle par l'écriture du son dans le cas de Griset ou de Muraille. C'est des techniques que j'ai découvertes sur le tard. J'ai jamais été un compositeur spectral pour le coup. On m'a parfois mis dans les spectrales syncrétisme, dans le syncrétisme spectral. J'ai beaucoup travaillé sur l'orchestration assistée par ordinateur, par exemple, qui provient directement, évidemment, des premiers travaux sur la synthèse instrumentale de Griset ou de Muraille. C'est des principes que j'ai continué à développer moi-même jusqu'encore aujourd'hui, et nous développons même encore en ce moment des technologies pour adresser ce type de problématique. Donc j'ai été nourri d'une certaine partie du spectralisme, mais j'ai jamais réussi à adhérer totalement à l'esthétique donc spectrale, c'est-à-dire à la manière d'écrire qui vous définit comme spectrale à la troisième seconde. C'est quelque chose pour laquelle j'ai eu du mal finalement à... oui, j'ai eu du mal à intégrer réellement une école stylistique. Alors par contre, à la même époque, j'écris Metallix pour trompette et dispositif électronique à l'IRCAM. Et c'est une œuvre, pour certains, qui est un hommage à Miles Davis ou à l'histoire de la trompette. Et moi, j'en maintiens toujours que c'est une œuvre qui est basée sur des fondements spectraux. C'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que la structure sous-jacente est entièrement spectrale. Par contre, la couche, disons, le premier degré, la première écoute, le premier effet que la pièce fait, c'est en effet une espèce de communicabilité sur des archétypes, on va dire, mémoriels du timbre de la trompette du jazz. Mais cet archétype n'est que le timbre. C'est en aucun cas le langage, encore moins le phrasé. Il n'y a aucun élément de jazz là-dedans. On est à la croisée, finalement, de ces styles qui m'ont nourri. Et c'est ma synthèse, finalement, mais entre des éléments que j'aurais du mal à décrire comme des styles auxquels j'adhère. Ou qui sont des sources d'inspiration réellement assumées. Thank you. Je reviens quand même sur Stravinsky, après l'extrait du concerto pour deux pianos solo, et j'ai pensé à la période que je préfère, c'est celle des trois ballets, pour de multiples raisons. Et j'ai pris l'ouverture de l'Oiseau de feu. En fait, dans ces musiques, je pense à Stravinsky aux trois ballets, la maîtrise de l'orchestre, le son de l'orchestre est probablement une des choses qui m'a le plus frappé lorsque j'ai découvert ces musiques. Il y a plusieurs niveaux de liens qui m'unissent à ces œuvres. Je ne suis pas sûr d'être fidèle à moi-même en parlant aujourd'hui. Mais je pense que la magie et la virtuosité de l'écriture orchestrale a été un des facteurs déterminants. Il y a aussi évidemment l'environnement mélodico-harmonique qui me touche beaucoup. Il y a énormément de facteurs dans ces musiques. J'aurais pu prendre des parties du sacre qui sont évidemment très très très importantes. Mais l'Oiseau de feu est tout aussi impressionnant. Et c'est des musiques que j'écoute encore régulièrement. Et je trouve que Stravinsky est un peu sous-estimé par les compositeurs d'aujourd'hui. Étrangement, je me sens proche de lui et je me sens dans une forme de filiation. Et après, je me suis posé la question en préparant cette liste, pourquoi ces musiques de ballet? Parce qu'après tout, les formes et la narration est probablement un petit peu différente d'œuvres musicales, entre guillemets, qui ne suivent pas un programme. Je me suis posé la question, est-ce que ça pouvait avoir un impact sur les choix? Et je ne suis pas sûr de savoir y répondre. Là encore, je pense que c'est plus une réaction affective au fait de devoir choisir des œuvres et des disques qui m'ont marqué. Voilà, c'est des musiques que j'aime toujours entendre. Je m'en lasse pas. Vous êtes dans la discothèque du compositeur Yann Maresch sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. J'ai choisi le Kammerkanzer de Ligeti. Ça aurait pu être beaucoup d'autres œuvres de Ligeti. C'est un compositeur duquel je suis très très proche, auquel je suis très attaché. Et pour le coup, c'est une musique qui est fondamentalement à entendre en concert pour les œuvres qui me fascinent le plus. Je pense notamment à des œuvres comme Lontano ou Atmosphère. Mais le Kammerkonzert représente tout de même un chef-d'œuvre dans le style de la musique pour ensemble, tel qu'on la pratique depuis tant d'années en musique contemporaine, comme on dit. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Ligeti me fait penser un petit peu à Kubrick. On l'associe souvent à Kubrick pour certaines, pour de mauvaises raisons, finalement. Mais quand je pense à Ligeti, je me dis, ah, il a fait une pièce de musique de chambre, tiens, bah, c'est une des meilleures pièces de musique de chambre, il fait une pièce pour orchestre, ah, mais c'est une des meilleures pièces pour orchestre, un peu comme Kubrick et les styles, non? Il va faire un film de guerre, ça va être un chef-d'œuvre, un film de... etc. Donc, sous cet angle-là, Ligeti est cette espèce de caméléon aussi capable de s'emparer d'une forme ou d'un effectif et d'en faire un chef-d'œuvre, sans parler des quatuors à cordes, par exemple, pour le coup. Donc, le Kammerkonzert, voilà. Encore une fois, alors la maîtrise totale et absolue des timbres, des équilibres, des effets d'orchestre, de l'instrumentation, je pense évidemment au clavecin. C'est une œuvre vraiment forte et que j'aime toujours écouter. Je réalise qu'en fait, j'ai pris assez peu de musique d'aujourd'hui dans ma liste de choix. Mais tout simplement parce que je crois que je suis quelqu'un qui aime des choses tellement différentes et qu'il m'est difficile de choisir pour le coup. Ça aurait été une torture de vraiment faire des choix. Je pense notamment à tous mes amis et compositeurs dont j'aime la musique. Mais la question, c'est quelle est la musique que j'écoute encore régulièrement chez moi, qui me fait toujours le même effet et qui fait que je pense à ces disques comme étant importants. Et ben, je me retrouve devant l'obligation de dire que toutes ces œuvres sont proches de moi et me plaisent, mais c'est ces coups de cœur affectifs de ma jeunesse musicale qui sont les plus forts, en fait. Je ne retrouve pas ces sensations ou ce sentiment d'importance. Mais la liste pourrait être extrêmement longue d'œuvres qui ont énormément compté, notamment des œuvres du XXe, voire même des créations assez récentes. J'inclurai évidemment plus tard une œuvre de Fausto Romitelli en parlant un petit peu. Mais voilà, j'aurais pu aussi citer évidemment Xenakis, qui a des œuvres qui ont été vraiment très très importantes. Boulez aussi, Stockhausen, Berlioz, bien sûr. Bon, Ligeti, voilà un extrait. Pas un extrait, disons une œuvre de Ligeti qui a compté pour moi. Thank you. Thank you. avec le recul, je dois me rendre à l'évidence que peut-être le compositeur qui m'impressionne le plus, qui m'a le plus impressionné, c'est celui dont je n'ai pas du tout parlé pour l'instant, c'est Beethoven. Je suis vraiment complètement fasciné devant la puissance musicale, la puissance tout court qui se dégage de sa pensée. Faire des choix là aussi sont particulièrement difficiles et délicats. Je sors 3 symphonies, la 3e, 5e et 7e, pour plusieurs raisons. Et on va mettre l'allegretto de la 7e symphonie. La force de la construction, la logique du développement, tous les paramètres sont au vert. C'est-à-dire, c'est une espèce de totalité. Il faut savoir que pour moi, en tout cas, étant quelqu'un de très, très, très, très peu proche de l'opéra, le spectacle total est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens. Et j'arrive pas à... Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de l'art total, c'est ça. Il y a tout là-dedans, j'ai pas besoin de plus, disons. Et c'est des œuvres qui, encore aujourd'hui, fournissent des pistes de réflexion et... C'était vraiment une des choses les plus extraordinaires, peut-être le point le plus culminant de toute l'art musical occidental, duquel on est d'ailleurs arrivé probablement à une fin, qu'on essaie de nous faire prendre pour un nouveau début. Mais ça, c'est le point culminant. Le compositeur Yann Maresch présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. pas quelqu'un de très sensible à la voix, comme instrument. Alors je sais bien que c'est un peu plus compliqué que ça, mais à titre personnel, j'ai jamais réussi à réellement écrire pour la voix. J'ai une pièce pour chœur quelque part qui est jamais jouée, que j'avais écrit pour Accentus, et puis c'est tout. Et je suis en train en ce moment d'écrire une œuvre vocale qui me pose beaucoup de problèmes, et donc je vais quand même choisir une œuvre avec voix, et pour le coup c'est encore une œuvre qui va me ramener à mes premiers amours, c'est les poèmes de Mallarmé de Ravel. La mélodie française probablement est quelque chose, j'ai apprécié cette musique à une époque, je ne l'écoute pas vraiment, je suis encore une fois pas très sensible à la voix, malheureusement c'est quelque chose que je n'arrive pas à dépasser. C'est une question de son, c'est des timbres qui ne me conviennent pas, j'ai beaucoup de mal avec ça, donc, mais je mets quand même cette musique, parce que pour le coup, c'est une des plus belles musiques que Ravel ait écrite. J'ai souvent besoin de réentendre cette œuvre. Alors chez Mahler, c'est pour le coup ce qui me fascine, c'est l'architecture formelle. J'ai choisi le premier mouvement de la première symphonie, Titan, mais j'aurais tout aussi bien pu prendre la deuxième pour souligner mon propos. Ces architectures absolument colossales, ramifiées, totalement inconcevables. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui m'est... L'idée même de penser des architectures de cette taille-là m'est étrangère. Je ne saurais pas le faire. C'est quelque chose qui me fascine assez fortement. Mahler, j'ai mis du temps à l'apprécier. C'est quelque chose qui est venu au fil du temps. Ça n'a jamais été un rapport facile. Les premières fois, je trouvais ça un peu... Que j'habite aux États-Unis, on disait corny. Hein, un peu comme du pop-corn. Et puis finalement, après, j'ai lu ces textes de Schoenberg où il dit, mais je me suis toujours trompé sur Mahler. En fait, il n'y a rien de plus bouleversant que la sincérité en musique. Et il n'y a que ça qui vaut. Et là, les paroles même de Mahler disant, ce qu'on critique de toi, développe-le, c'est toi. Et en fait, je réalise maintenant que j'avais ce regard hautain sur Mahler, tel que on peut l'avoir quand on est formé justement à penser de manière trop cérébrale à la musique et non plus tout simple, de manière simple et spontanée. Alors, l'architecture des symphonies de Mahler est quelque chose qui me fascine. Il y a aussi d'autres paramètres et je mentionnerai toujours l'orchestration qui est une des grandes constantes de ce qui fait que j'apprécie tellement la musique pour orchestre. Le son de l'orchestre et la manière d'en jouer et de composer avec les sons est une des choses qui me fascine le plus dans la composition. Je suis très attaché à cette pratique moi-même. Et bon, chez Mahler, j'ai évidemment appris énormément de choses, bien que j'ai rarement eu accès moi-même à des orchestres aussi massifs. Et donc, je ne saurais pas très bien en fait comment transposer cette connaissance. Mais je l'ai... traduite et donnée à mes élèves lorsque j'enseignais l'orchestration au Conservatoire de Paris, où on avait régulièrement accès au grand orchestre. Donc c'est une musique que je connais bien et je connais bien les méthodes pour parvenir à ces sonorités dans ce style-là, bien entendu. Vous êtes dans la discothèque du compositeur Yann Maresch sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Une œuvre que j'ai souvent écoutée, de Berio pour le coup, c'est Requies, qui fait partie de ses œuvres avec Voci et Chorale, qui sont des œuvres importantes, qui ont été importantes pour moi. Requies, je ne sais pas quoi en dire, c'est un chef-d'œuvre. Je crois que c'est tout. C'est aussi simple que ça. Un chef-d'œuvre. Thank you. Thank you. Bill Evans est un des musiciens de jazz que j'écoute encore régulièrement. J'ai d'ailleurs participé aux arrangements d'un disque qu'on a fait avec McLaughlin à 6 guitares, qui s'appelle Time Remembered, qui est un disque d'arrangement de ballades de Bill Evans pour 6 guitares. Et c'est un des musiciens de jazz qui m'intéresse parce qu'il est, il était aussi... il composait, Bill Evans, tout est écrit. Alors évidemment, il y a écriture. De la part d'un musicien qui écrit la musique d'aujourd'hui, ça peut paraître étrange de s'intéresser à cette écriture-là. Mais néanmoins, il y a une écriture là. Et en plus de l'écriture, il y a aussi un improvisateur génial et un pianiste merveilleux. C'est une musique qui me touche beaucoup, vraiment, vraiment particulièrement. Et j'aurais adoré pouvoir l'entendre. Et le voir jouer, c'est un des rêves qui restera à jamais insatisfait. Thank you. Pour finir, j'ai choisi une œuvre du regretté Fausto Romitelli pour plusieurs raisons, des raisons personnelles et des raisons musicales. Musicale parce que, en fait, on m'a toujours demandé, comme je venais du jazz, pourquoi je n'ai pas opéré de synthèse entre le jazz et la musique contemporaine. Et puis, on m'a souvent dit, ah, mais votre œuvre métallique, c'est un hommage à Miles Davis, etc. Bon, je pense que c'est tout à fait faux. Et j'ai jamais pensé à faire cette synthèse. Le peu que je connais d'œuvres qui sont la synthèse de jazz et de musique écrite me déplaise fortement. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours paru comme à éviter. Et pour le coup, Romitelli, lui, fait une synthèse entre le spectralisme et le rock psychédélique. Et non pas seulement au niveau des sonorités, mais au niveau de plein d'autres paramètres. Et il le fait et il le réussit. Alors, c'est très très impressionnant sous cet aspect-là. Et il y a en plus, une fois que le langage et la technique est maîtrisée, il y a une continuité œuvre après œuvre qui affine encore plus les techniques. C'est-à-dire, finalement, les compositeurs qui créent les propres outils techniques plutôt que d'emprunter les outils techniques des autres, fait que finalement, on est là au cœur de ce que c'est réellement composé. C'est vraiment inventer les outils techniques qui permettent de s'exprimer un petit peu différemment, peut-être, des autres. Et chez Fausto, il y avait ça. Pour des raisons personnelles aussi, c'était quelqu'un, j'ai été très très proche de lui les dernières années de sa vie. Nous vivions quasiment dans le même immeuble, à Milan. Et donc je l'ai très très bien connu et on a souvent parlé ensemble. Et ce qui était assez intéressant, c'est que lui, pour le coup, n'aimait pas trop le jazz. Et moi, j'étais pas très sensible au rock qu'il écoutait, et surtout aux musiques électroniques qu'il écoutait. Il était très très influencé par ces musiques électro du style Pansonic. C'est vrai que moi, travaillant à l'IRCAM à cette époque-là, on avait des longues discussions enflammées sur ce que c'était que de faire quelque chose d'intéressant en musique électronique. Pour le coup, voilà, c'est un des compositeurs dont j'aime le plus la musique. Et parmi tous ceux que j'aurais pu mettre, je choisis Fausto parce qu'il me manque. Et je trouve son œuvre absolument formidable. Professor Bad Trip, Lesson 1. Yeah.